African All Star. Et l'African All Star est dirigé par le maestro Dizzy Lengo Lengo. Yeah! Ça c'est Ringo à la batterie. Dizzy Lengo pressé. Hein? Yeah! Beaucoup dépenses pour les beaux parents, pour ma femme comme pour mon ami, pour mon ami, pour louer voiture, mon ami, oh, c'est trop cher, mon argent, oh, c'est pas du cadeau. Comme ça la tortue là. Non, écoutez mon cher, soyez gentil. fefe, Simba mama kati malamu. Yeah. Couple, couple. Lokasa ya mbongo. Radio cassette pour écouter communiquer. Allô, allô, Radio Bamako. Allô, allô, Radio Ouagadougou. Allô, allô, Radio Cotonou, Benin. Allô, allô, Radio Abidjan. Qui portait grand boubou? Ses camarades, ouais, ouais, ouais. Pourquoi comme ça? Pour faire l'économie. Économiser pour acheter radio cassette. Radio cassette pour écouter communiquer.